comme les autres. Je venais juste de me réveiller, déjà recherché par ces autres. Un gang décidé, guidé par une soif de violence. Des mecs qui se battent sur la télé, en fait voilà ce que moi j'en pense. Donc j'avance, fais le beau avec un aide, vais sûr. Loin de m'imaginer ce qui m'arriverait derrière ce mur. Je tombe nez à nez, un mec me sort un mortel. Non je suis peut-être pas un ange mais j'ai senti que j'avais des ailes. Alors j'ai couru, j'ai su, pas de chance il tue pas mal. Et dans un pan en cadence je courais plus vite que les balles. Je tourne à gauche, à droite observe et trouve une planque. Il faut que je reprenne mon souffle, moins une pour qu'il me manque. Sans cœur, mon cœur va à 200, mon corps fait 130 degrés. J'ai un portable dans mes poches et comme d'hab y'a pas d'unité. Putain, faut les vesquis, contacter les hommes d'action. Avec une envie, des mercenaires en mission. Changement de décor, j'ai mon feu, j'ai mon équipe. Maintenant qu'ils savent que je les cherche, putain y'a plus rien dans le slip. Je laisse couler pour pas faire une victime. C'est vrai que je lui en voulais mais devenir tueur, à quoi ça rime? On se lève pour nos ambitions, braque face aux conditions. On se fait sauter le caisson et les petits tubes pour une position. Mais bon, le système tu blesses, laisse des cicatrices. On accumule en caisse de jour en jour un nouveau vice. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. Un soir tranquillement quand je descendais sur Paname pour voir une lady, une de mes femmes. Je descendis tranquillement les bouches du métro et c'est là que j'ai vu une vieille dame se faire agresser par de toxicos. Je n'ai même pas calculé, suis-je parti la défendre? Quand soudainement les keufs sont arrivés, ils étaient au moins 30. Il me dit bouge pas négro, je te fais un trou dans ta peau. D'abord ça ne change en rien car vous nous envahissez trop. La victime était inconsciente, n'avait rien vu de l'histoire. Le sac était dans ma main en un mot, je m'étais fait bébard. J'avais voulu rendre service, voilà le remerciement. Et voilà comment en deux temps je me retrouve dans les emmerdements. Après 72 heures de stepo, ils m'ont déféré au dépôt. Et la boîte peau, ils m'ont mis en mandat de dépôt, les salauds. Pour un crime, un délit que je n'avais pas commis. Regarde où m'ont mis, règle dit, en son prix. Ah ouais, j'en mets ton truc là quand même hein. Eh hey, mais, à part ça, comment ça se passe dans l'impasse? À la Tessie, je vis sans sous, avec plein de soucis. Y'a de quoi devenir fou, mais je m'en fous, je suis en sursis. Face à l'ennemi, jour et nuit, je survis, j'encaisse. Car la plupart de ces abrutis veulent me mettre en laisse. Mais je leur laisse aucune dalle, laisse, j'ai trop la dalle. Ça fait trop longtemps que je suis hal, et ça date pas d'hier qu'ils me veulent du mal. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. La vermine est partout et un beau jour ça va déborder. C'est la routine quotidienne et à force on est rodé. Ouais chez nous la galère fait désolé. Appel, j'écoute. Oui, oui, allô. Qui c'est là? Ici Guillaume Fernand. Donc j'ai un problème là avec. J'ai deux fiancés quoi. Et, non mais attends, Black Pink Fada, tu me prends pour un con ou quoi? Dégage de mon antenne, tête de con! Dégage de mon antenne! Chou lapin! Vous êtes bien sur l'émission Mixomatose. Je fous la dose, la vie n'est pas rose. Ah bah l'overdose, je cause en prose et suppose que... Oh, le rap c'est pas mon truc hein. Eh ouais, c'est pas ton truc. Eh mais, Jeffrey, tu déconnes toi. Au lieu de passer des bons morceaux là, qu'est-ce que tu fous à faire le zoulou là à l'émission? Tu crois que c'est une radio de squal ou quoi? Vas-y, passe mon saumoir et après on discutera de ça.